Bilan 3, page 174. Exercice 1. A. Il veut. Il vaut. B. Il l'a vu. Il l'avoue. C. Mon cœur. Mon cœur. D. Il mord. Il meurt. E. Il a pu. Il a pu.